je tiens à remercier Madame Canova-Green et également les organisateurs du colloque et Monsieur Le Scoutoff en particulier pour avoir organisé tout ça ici même à Versailles. Donc j'ai choisi un titre que j'ai oublié de faire figurer sur mon exemplier, ce qui fait que tout le monde va se ruer sur la citation. Mais voilà, l'idée c'était de voir la présence du sublime à l'intérieur du recueil de médailles, et j'étais surpris en découvrant ce médaillier, puisque étant littéraire, je ne suis pas familier des médailles, donc je m'excuse si je vais dire peut-être des bêtises sur cette forme d'art. Il m'a semblé en le feuilletant que la notion de sublime était absolument au centre de l'esthétique, alors propagande entre guillemets, ou en tout cas de l'idéologie louis XIVienne, et pourtant on ne trouvait quasiment qu'une trace. Donc c'est pour ça que j'avais proposé une entrée double, sublime et energeia, énergie. Le début des années 1690 marque traditionnellement dans l'histoire littéraire la phase aiguë de la querelle des anciens et des modernes, lorsqu'éclatent de violents conflits qui déchirent l'Académie française de l'intérieur. Et pourtant, ces mêmes années, 1690-1694, correspondent au moment où Bignon reprend en main la petite Académie et la fédère en relançant le projet de l'histoire métallique de Louis XIV. Du coup, on a une sorte de symétrie. À partir de 1694, les mêmes membres, alors ici Charpentier, Boileau, les mêmes membres se querellent ouvertement au Louvre les jeudis et collaborent ensemble à la petite Académie les lundis et les samedis à l'édification de l'histoire officielle. Ainsi, avant même son institutionnalisation en forme, la petite Académie apparaît, à la différence de l'Académie française, comme un lieu pacifié, tout entière dévouée et stabilisée, parce qu'elle est entièrement construite autour du corps de l'histoire officielle. Et le terme de corps revient dans les propos notamment de Boileau. Elle est donc aux antipodes de ce que Hélène Merlin-Cashman avait appelé l'excentricité de l'Académie française, c'est-à-dire une institution qui elle-même était toujours déstabilisée par le fait qu'elle soit centrée sur le corps de la langue et de la littérature qui est laissée au public. De fait, la question de la langue, qui est très problématique, la question de la langue qu'il faut utiliser dans les inscriptions des médailles fut très vite évacuée. Ça a été évoqué notamment dans les autres communications. Et le français était immédiatement remplacé par le latin. Latin, précisément, dont langue dont l'usage demeure fixé, résolument, par les auteurs canoniques, que tous les membres de la petite Académie sont appelés à considérer comme des autorités indiscutables. Et quand on regarde les registres, toujours Renaudot arrive avec un petit passage de père de l'Église, et on lui dit non, on veut Cicéron ou quelque chose d'un peu plus pur. François Charpentier lui-même, quoique partisan du français pour l'inscription de l'Arc de Triomphe, préconise l'usage du latin pour les médailles, dont le cours est réservé aux savants et n'a rien de populaire. C'est donc la citation qui figure ici, que j'ai extraite de l'excellence de la langue française en 1683. Ce qui fait voir la nécessité qu'il y a que l'Arc de Triomphe, qui publie la gloire du prince d'une manière simple et populaire, soit accompagné d'une inscription que le peuple entende. Et au contraire, comme les médailles sont composées de figures mystérieuses et hiéroglyphiques, il n'y a point d'inconvénient que, puisqu'elles affectent de se dérober aux yeux du peuple du côté des images sensibles, cette espèce d'allégorie qui nous met à distance, elles prennent aussi la liberté de se servir pour les inscriptions d'une langue qui n'est pas entendue du peuple, telle qu'est la latine. Toutefois, derrière le consensus qui se dessine autour de la langue latine, d'autres conflits internes demeurent, non plus au niveau de la langue, mais bien au niveau du style. Comme en témoigne alors la fameuse querelle sur le style des inscriptions de la Galerie des Glaces, tout près d'ici, qui a vu s'opposer successivement, on le sait, ça a été étudié notamment par Pierre Laurent et Florence Vuillemer-Laurent. Donc, une querelle qui a vu s'opposer Talmant et Charpentier pour la langue, du latin au français, et Charpentier et Boileau pour le style. Derrière la nécessité commune à tous les académiciens de faire une histoire édifiante, on se propose ici de réexaminer les débats internes de la petite Académie à travers le concept poétique et rhétorique d'énergie. Pour cela, je vais dans un premier temps essayer de réélaborer ce concept qui est endogène malgré tout à l'époque, avant d'observer par la suite en pratique comment ce concept travaille séparément aussi bien l'image que le texte des pages du médaillier de Louis XIV. Essayer de voir donc comment cette énergie travaille non seulement chaque support, exergue, légende, explication, type, mais également comment elle travaille la disposition globale de la page. Donc ça sera mon premier point. Je vais essayer de définir l'énergie en elle-même et de montrer qu'elle se situe entre l'instituant et l'institué. Alors que l'esprit de corps paraît occulter les débats internes de la petite académie, la querelle entre Boileau et Charpentier sur les inscriptions de la Galerie des Glaces apporte un premier critère stylistique, qui est bien connu, celui de l'économie de moyens prônée par l'esthétique atticiste. Et ça avait été notamment étudié par Yann Lignereux dans le volume précédent. Le discours sur le style des inscriptions que Boileau rédige à l'occasion de cette querelle explicite le gain que la simplicité de style procure à l'éloge du roi auprès du public. Et ça aussi, ça avait été également étudié par Madame Canova-Grimm. Je vous remets quand même ce texte connu sous les yeux. Les inscriptions doivent être simples, courtes et familières. Les trois mots sont essentiels. La pompe, ni la multitude des paroles, n'y valent rien et ne sont point propres au style grave, qui est le vrai style des inscriptions. Donc, grave et familière. Il est absurde de faire une déclamation autour d'une médaille ou au bas d'un tableau, surtout lorsqu'il s'agit d'actions comme celle du roi, qui, étant d'elles-mêmes toutes grandes et toutes merveilleuses, n'ont pas besoin d'être exagérées. Alors je précise que Boileau, à cette époque-là, parle déjà des médailles, alors qu'on estime que le discours est rédigé à un moment où son entrée dans la petite académie n'est pas tout à fait cernée, par rapport à son activité auprès de Louvois. Il suffit d'énoncer simplement les choses pour les faire admirer. Le passage du Rhin dit beaucoup plus que le merveilleux passage du Rhin. L'épithète de merveilleux en cet endroit, bien loin d'augmenter l'action, la diminue et sent son déclamateur qui veut grossir de petites choses. C'est à l'inscription à dire voilà le passage du Rhin. Et celui qui lit saura bien dire sans elle le passage du Rhin est une des plus merveilleuses actions qui ait jamais été faite dans la guerre. Il le dira même d'autant plus volontiers que l'inscription ne l'aura pas dit avant lui. Les hommes, naturellement, ne pouvant souffrir qu'on prévienne leur jugement, ni qu'on leur impose la nécessité d'admirer ce qu'ils admireront assez d'eux-mêmes. Ça renvoie aussi à ce qu'on disait à propos de Pélisson et de la relation qui était évoquée précédemment. On reconnaît dans la condamnation de la vaine pompe et de la multitude des paroles la critique que tous les théoriciens du XVIIe siècle ont adressée à la copia, qui était donc pratiquée notamment par les poètes et les orateurs de la Renaissance. Mais au-delà de cette querelle versaillaise des années 1683-1685, Boileau continuera toute sa vie de refuser la moindre société de style, c'est le terme qu'il utilise, avec Charpentier. Charpentier, dont il comparait le style avec les étables d'Auger, les écuries d'Augias, c'est-à-dire un lieu monstrueux, saturé d'immondices, et que seul un homme comme Hercule pourrait nettoyer. La simplicité est donc d'abord une question de quantité, et Boileau, en partisan des anciens, fait l'éloge, on semble ceux aussi, de la brièveté, de la sobriété. Loin d'amoindrir l'admiration, la simplicité du style ouvre une autre voie vers le sublime. Et donc là, par rapport à la communication précédente, c'est plutôt un effet de litote qui se met tout le temps en place, mais une litote qui produit l'admiration recherchée. En tant que traducteur du traité du sublime de Pseudo-Longin, Boileau fut en effet amené à défendre une conception qu'on pourrait dire augustinienne du sublime, qu'il oppose à l'emphase des grands mots, pour privilégier la densité d'une formule frappante, lapidaire, comme il le rappelle dans sa dixième réflexion critique sur Longin. Donc, sur 12 textes qui réfléchissent sur la notion de sublime, 9 sont consacrés à insulter Perrault, et les 3 dernières sont vraiment théoriques. Voici donc la dixième. Les grands mots, selon les habiles connaisseurs, font en effet si peu l'essence du sublime qu'il y a même dans les bons écrivains des endroits sublimes dont la grandeur vient de la petitesse énergique des paroles. Boileau cite un exemple utilisé par Longin. Car on ne peut guère assembler deux mots plus bas et plus petits. On y sent toutefois une certaine force énergique qui, marquant l'horreur de la chose qui y est énoncée, a je ne sais quoi de sublime. Alors en plus, énergie plus sublime, et ça rajoute encore le je ne sais quoi. Contre la magnificence du grand style, Boileau revendique le caractère sublime du style le plus simple et des mots les plus petits, qui sont justement à ses yeux l'essence du style des inscriptions qui doivent être simples, courtes et familières. Sous la plume de Boileau, la simplicité entre alors en combinaison paradoxale avec le sublime et avec l'énergie. Donc énergie, je rappelle peut-être parce qu'il y a beaucoup d'historiens et je pense que ce n'est pas un concept littéraire qui est forcément connu, l'énargeia, concept rhétorique qui désigne l'effet d'évidence brillante, alors qui argos hein, en grec. Cette évidence que produit une représentation, je pense, hein, jeudi, on voyait certaines représentations de médailles, par exemple, hein, avec Versailles avec les nuages, Versailles avec les fontaines, bon, sur une médaille. Donc là aussi, hein, c'est typiquement tout ce qu'on dit à l'époque, hein, comment anime un tableau? Bon, ben, mettre des choses qui sont censées, hein, être animées à l'intérieur. Donc d'un côté, l'évidence brillante, et ce concept rhétorique a été confondu, hein, ça aussi c'est tout à fait connu dans la critique, il a été confondu avec un deuxième concept, l'énergeia, qui désigne la force qui permet d'effectuer un acte, hein, et qui est en combinaison avec la dynamis. Energeia, dynamis, hein, en acte et en puissance. Cette collusion entre le sens rhétorique et le sens philosophique est déjà opérée chez Aristote dans sa rhétorique, au moment où il traite de l'efficacité des effets visuels. Et cette même collusion, hein, on la retrouve dans le traité de Longin, à propos du sublime des images et de ce qu'on appelle la description vive ou l'hypotypose. Alors c'est une citation que je ne vous ai pas mise. Oui, ça, je... Le sublime des images vient de la fantasia, de l'imagination. Donc je cite, lorsque par un enthousiasme et un mouvement extraordinaire de l'âme, il semble que nous voyons les choses dont nous parlons, et quand nous les mettons devant les yeux de ceux qui écoutent. En dépit des querelles extérieures, le traité du sublime de Longin demeure une référence centrale dans les écrits théoriques de la plupart des membres de la Petite Académie, puisqu'il fut mis en œuvre par Racine, Racine qui a été accusé par Pradon d'être un monsieur du sublime. Il a été commenté par Dacier, qui a inséré de nombreuses remarques au traité de Boileau. Il a été défendu par Charpentier, à l'intérieur de l'excellence de la langue française, et encore défendu par Renaudot, qui, après la mort de Boileau, a édité les réflexions critiques sur Longin. Donc au-delà de toutes les dissensions internes, le sublime ou le merveilleux dans le discours apparaît de fait au cœur de l'écriture de l'histoire officielle, dans la mesure où celle-ci a pour but de faire voir et de placer comme devant les yeux, c'est l'expression fameuse hein, qu'utilise Talmant dans la préface, donc de placer devant les yeux du public la succession des merveilles du roi. Dès lors, le principal apport du sublime pour la petite académie réside précisément dans l'énergie. Alors l'énergie au sens fort, c'est-à-dire l'énergie comme force vive, qui est la seule capable de faire admirer ce que le public connaissait déjà. Et c'est ça la particularité du discours sur le style des inscriptions, c'est que le public est déjà au courant de l'événement et qu'il faut en réalité le réactiver. C'est en effet cette énergie qui permet de représenter, par exemple, le trop topique passage du Rhin sous un jour nouveau, et de créer paradoxalement une surprise et une nouvelle admiration à partir d'un sujet pourtant ancien et rebattu. Pour ce faire, l'événement ne doit pas être représenté comme un pur événement historique. On aurait à ce moment-là peut-être une image un peu trop réaliste, voire machiavélique de l'histoire. L'événement ne doit pas non plus être présenté comme un idéal absolu, puisque là, ce ne serait pas crédible, et les gens se moqueraient et ridiculiseraient ces espèces d'emphases de l'histoire. L'événement doit être, hein, de façon paradoxale, posé comme à la fois réel, ordinaire, mais aussi potentiellement idéal et extraordinaire. Et le sublime, hein, de toute façon, il est voué après, dans la philosophie du XVIIIe siècle, à occuper cette place complètement paradoxale entre le réel et l'idéal. Donc la réalité de l'événement doit être présentée sous les traits d'une figure qui la rend immédiatement sublimable dans une idée merveilleuse. Et c'est là qu'intervient l'énergie, au sens philosophique de passage à l'acte et d'effet de présence. C'est l'énergie qui va permettre de donner de la réalité à cette merveille et de rendre sensible, pour celui qui tient la médaille ou celui qui regarde les tableaux de la Galerie des Glaces, de rendre sensible cette merveille d'un tableau d'un événement pourtant qu'il connaît parfaitement. L'énergie apparaît ainsi comme la puissance par laquelle une représentation toute concrète et quelconque peut rendre fugacement sensible une puissance supérieure, un corps mystique, alors de Dieu ou du roi. Dès lors, la force d'évidence produite par l'énergie vient confirmer et rendre davantage crédible l'opinion de départ que le spectateur possédait passivement de tel ou tel événement. Il avait comme un catalogue, et l'énergie petit à petit va réactualiser, redynamiser, au sens propre, redonner de la puissance dans toute l'histoire. D'où sa place centrale dans, il me semble, la poétique de l'histoire des médailles. Dans cette perspective, l'énergie opère entre deux pôles, entre ce qui est trop connu et ce qui est admirable, entre la doxa et le paradoxal, entre un savoir froid et un savoir chaud. Elle est donc une force instituante qui permet de confirmer dans ses droits ce qui était déjà institué, mais qui au fond n'était pas vraiment senti dans toute sa force et dans tout l'éclat de sa vérité. L'énergie ravive les événements historiques en les auréolant de la gloire d'une action miraculeuse qui n'est digne évidemment que du roi. Elle est une force de production, une force poétique qui va se surimposer aux récits reçus et banals de l'histoire. Elle va régénérer, elle va redonner du génie à cette histoire. D'un autre côté, l'énergie opère aussi entre le sujet et l'objet, l'objet médaille ou l'objet tableau, entre le spectateur et la médaille qu'il observe. L'énergie est en effet une force vive de l'imagination, ce que disait Longin, une fantasia, enthousiaste, par laquelle le spectateur donne vie à des images et en vient à admirer à nouveau les symboles les plus éculés. Finalement, c'est toujours les mêmes symboles qui reviennent, mais c'est bien parce que ce sont les mêmes symboles qu'il va pouvoir y avoir une réactivation. Et alors là, je récupère des analyses de Louis Marin, dans Le portrait du roi, évidemment, qui rappelle que le portrait se situe entre ce qu'il appelle le symbolique et l'imaginaire. L'énergie établit un jeu elle-même entre ce qui relève du symbolique, donc le vaste catalogue des symboles qui sont déployés par les académiciens, et de l'autre côté, l'imaginaire, c'est-à-dire ce que l'esprit peut faire tout seul avec les images. Donc on aurait d'un côté le pouvoir instituant de l'imagination, et de l'autre le répertoire de tous les symboles. Dès lors, l'art de la médaille ne repose pas seulement sur un programme symbolique et mythologique, mais également sur une activité de l'esprit, une vraie activité de l'esprit et de l'imaginaire. Un tel travail est donc toujours double, et c'est d'ailleurs ce que rappelle Pontchartrain, par exemple, qui, dans une des lettres qui a été lue lors d'une des séances et qui est consignée dans les registres, rappelle que les médailles offrent un champ que je trouve bien vaste pour exercer l'esprit, d'un côté, et la science, de l'autre, de messieurs de l'Académie des inscriptions, quelque étendue qu'aient en eux ces deux qualités. C'est bien deux qualités différentes. D'un côté, la science des symboles, et de l'autre, un esprit pour agiter, raviver, activer ces symboles. Et même Racine, dont on a pourtant tout à fait montré qu'il était attaché à la simplicité la plus nue, reste loué, donc après sa mort, tant par la vivacité de son esprit que par la connaissance certaine qu'il avait de tout ce qui regarde l'histoire du roi. Vivacité de l'esprit. On retrouve le côté vivace, vivant, la représentation vive. Ainsi, entre les symboles antiques et les faits historiques qui sont ramassés, c'est toute la part latente de l'activité spirituelle de l'imaginaire que l'on se propose d'examiner dans la fabrication du panégyrique princier par les médailles. Ce sera ma deuxième partie sur justement le sublime dans sa fabrication concrète. L'importance de l'énergie dans l'écriture de l'histoire édifiante, qui allie les contraires que sont l'histoire réelle et le panégyrique idéal, a permis de mettre l'accent sur ces liaisons, ces ponts, ces manières que l'esprit a de lier deux choses complètement différentes. Le lecteur est invité à tisser toujours des liens, des rapports, à faire des ratios, mettre de la rationalité. Il est invité à tisser des liens pour interpréter les objets étranges que sont les médailles et pour en sentir l'extraordinaire. Et c'est justement cette façon de tisser des liens sur lesquels réfléchissent sans arrêt les membres de la Petite Académie que je voudrais me pencher maintenant. Donc il y aurait un jeu mental de franchissement, de franchissement des limites, c'est l'étymologie même de sublime, franchir les limites, qui peut être produit par un agencement spécial, lisible, autant au niveau de la légende, de l'exergue, de la description de la médaille, ou bien visible au niveau du type. À chaque fois, on aurait le même jeu que je vais essayer de vous exposer très rapidement sur quelques exemples, puisqu'en fait, je pense qu'on pourrait l'appliquer sur quasiment tous. Alors, comme le temps avance, je vais peut-être passer quelques... Alors, dans l'élaboration d'un texte de médaille sublime et énergique, par exemple, l'idée d'une sublimité propre au style simple, tel que Boileau la défend, comme on l'a vu, réoriente fondamentalement la technique. Il ne s'agit plus tant de récolter les mots les plus grandioses du style élevé, et donc on cherche comme ça, dans son paradigme, on fait défiler tous les synonymes, et ça, les académiciens le font, ils cherchent des synonymes sans arrêt. Donc ce n'est plus cette façon donc de récolter des mots grandioses, mais plutôt d'agencer avec des mots simples un choc, un contraste, un gap, une sorte d'antithèse forte, suffisamment forte pour pouvoir étonner le lecteur et exciter en lui la puissance imaginative de son esprit. L'effet sublime se déplace alors de l'invention, trouver l'idée ou de l'élocution, trouver le bon mot, vers la disposition. Comment sont agencés matériellement donc les images ou les morceaux de phrases. Autrement dit, l'effet ne reposera plus sur une variation de la valeur des mots, le long d'un axe paradigmatique, mais il reposera sur un jeu syntagmatique de la lecture en temps réel. Un tel procédé semble à l'œuvre dans le Fiat Lux, notamment, qui est commenté par Boileau et également par Charpentier. Et les deux se retrouvent là-dessus, une fois n'est pas coutume. Donc que la lumière soit faite, et la lumière fut faite. Et c'est à l'esprit de celui qui lit ça de comprendre ce qui se passe entre ces deux vers, de comprendre la manifestation d'un corps mystique entre les deux. Donc dans ce verset de la Genèse, par exemple, qui est vraiment l'exemple qui revient sans arrêt dans le sublime, comme dans de nombreuses légendes de médailles, la tournure paratactique invite à vider le cœur de l'expression de toute signification pour laisser le lecteur conclure de lui-même et en toute liberté ce qu'il fallait ou ce qu'on l'invitait à conclure. Ce genre de sentence, de sous-entendu et d'expression souterraine, Boileau appelle ça des subaudi et Charpentier appelle ça des sententiae sus. Que sait, sont parfaitement loués, et notamment par Boileau chez Racine, qui le pratique dans ses tragédies. Et je vous montre une citation de Charpentier. Il y a toujours je ne sais quoi d'obscur et d'énigmatique, et encore qu'on y joigne des paroles pour en faciliter l'intelligence, il est certain qu'il faut toujours suppléer quelque chose, et que même les plus belles inscriptions sont celles qui ne s'expliquent qu'à demi-mot. Donc il y a toujours quelque chose à supplier, quelque chose à ajouter, pour remplacer ce vide, cette chose qui est dite à demi. Quoi qu'il en soit, on peut juger de là qu'il ne suffit pas de connaître les figures qui composent le corps d'une médaille, ni d'entendre la langue de l'inscription pour en comprendre le sens, et qu'il y a ordinairement quelque chose de plus caché, d'où dépend la principale beauté de ces ouvrages. En dehors des médailles historiques, qui sans doute, ça avait été également montré par Mme Canova-Green, exige peu ce genre de tournure spirituelle, notamment la médaille de Racine sur l'ordre de Saint-Louis. De nombreuses médailles mixtes et métaphoriques recourent à ce genre de tournure syntaxique paratactique. Ainsi, dans la série des médailles sur les prises de ville, les médailles des années 44-45, les exergues, c'est un tout petit exemple que je vous ai pris, sont parfaitement, alors là c'est plus qu'uniforme, c'est vraiment monotone. Donc, Triginta urbes autarques captae, 1644, 30 villes ou forteresses prises, et je vous ai indiqué la page, page 13, on tourne quelques pages et on a 35 villes ou forteresses prises, 1645. Alors, encore mieux, Dacier, qui s'est occupé de cette deuxième, donc c'est Renaudot qui s'occupe de la première, Dacier s'occupe de la deuxième. Dacier doit également faire la médaille de la prise de 40 villes en 1672. Donc on a ce léger crescendo, très très long. Et donc Dacier arrive avec ses scrupules historiques qu'on connaît, et il propose une inscription, et voici ce qu'on lui répond. Monsieur Dacier avait, c'est une petite coquille, avait apporté une description de la médaille sur la prise de 40 villes en 22 jours en Hollande. On l'a examinée, et on l'a prié de la rendre un peu plus vive, et de la rapporter à la première assemblée. Donc il revient la semaine suivante, 6 août, 13 août. Donc voici la description au bas du texte. Ce grand nombre de places prises presque en aussi peu de temps qu'il en faudrait seulement pour les parcourir font le sujet de cette médaille où l'on voit le roi dans un char traîner rapidement et la victoire qui le couronne. La légende, Batavia Victoris Peregrata, signifie que la Hollande a été parcourue par les armes victorieuses du roi. Et l'exergue, donc 40 villes prises en 22 jours dans l'année 1672. Alors on voit ajouter pour la vivacité les mentions du temps, donc le temps qu'il faut pour parcourir, et le char traînait rapidement. Mais on voit également que l'exergue précise le nombre de jours, ce qui n'était pas du tout le cas dans les autres exergues que j'ai montrées précédemment. Ici, pas de nombre de jours, uniquement un chiffre. Donc désormais, entre 40 villes et 22 jours, on invite à faire un rapport, un ratio, un calcul, pour voir qu'en fait, c'est plus de 2 villes par jour. Et donc, c'est ça, c'est ce ratio qui va être la production mentale qui va produire l'émerveillement. Et c'est ça qui peut être ravive encore la médaille. La même analyse peut être faite pour l'image. Donc, je crois que je vous l'ai montré juste après, je ne sais pas si ça a bien rendu. Je l'ai pris sur la bonne version. Donc, dans l'image, on peut également faire la même analyse. On a le char à toute bride, qui avait été aussi analysé pour l'entrée du roi dans Paris, donc ce char qui est quasiment inarrêtable. On voit en bas, dans le coin enfin, inférieur droit, les ennemis en fuite, en effroi. Donc là, je renvoie aussi à toutes les analyses de Loup-Marin sur le personnage interne au tableau, le personnage effrayé à l'intérieur du tableau, qui est un motif classique du sublime, de spectateur effrayé qui redéploie l'émotion. Et on a, sur le roi, qui lui est un personnage réel, une allégorie complètement idéale, qui, elle, n'a pas l'air du tout concernée par la vitesse, et qui, au contraire, est dans un geste de grâce et de légèreté posé sur des fils. Qui contraste complètement avec la rapidité et la violence du mouvement. Ce sublime du gap, pour utiliser ce mot, peut également s'analyser aussi, mais je ne vais pas le faire pour aller plus vite, dans la mise en place des circonstances du récit explicatif. Et on a très souvent des demandes de la part des académiciens de retoucher les récits explicatifs de chaque médaille. Pour remettre ce qu'ils appellent les circonstances nécessaires, et également de retoucher les choses pour ménager un renversement brutal. Alors souvent, des concessions initiales, quoique, etc., bien que, puis un grandissement de l'adversaire, qui est topique en rhétorique, ils avaient une armée colossale, et une déroute à la toute fin. Le lecteur est alors invité à déduire une vertu abstraite qui n'est pas figurable, celle du courage ou de la grandeur du roi. Alors je vais pour les. J'ai encore un peu de temps. Quelques minutes. Je vais rapidement, ça va aussi servir de conclusion, essayer d'observer quelques différences peut-être entre nos académiciens, puisque c'était le programme que je m'étais proposé au départ, mais qui n'est pas toujours très concluant, mais peut-être quelques conclusions, notamment sur la vision à grande échelle de la page. Bon, on sait, je ne le rappelle pas, que l'Assemblée a décidé tardivement de raccourcir aux grandes dames de Dacier, de raccourcir les textes pour que tout tienne en une page, et donc ça a été aussi abondamment commenté, pour mettre sous le même regard absolument tous les éléments du dispositif. Donc on a une économie de la page entre texte, image et toutes les parties des textes. Or, il me semble que justement, il faut également penser l'économie générale de la page et donc penser le lien entre l'exergue, la légende, le type, le texte, et que sur ce plan-là, Charpentier et Boileau, peut-être, qui se sont abondamment disputés, ne sont pas sur le même plan. Il me semble que les académiciens ont chacun une compréhension différente de la façon dont ce dispositif paginal doit fonctionner et à qui il s'adresse. Alors oui, j'avais prévu une autre analyse du sublime, mais je ne la propose pas. Donc voici pour Charpentier ce qu'il propose. Et donc je vous ai tiré une explication d'une médaille qui n'est pas une médaille de Louis XIV, mais une médaille de Charles Quint. Telle était cette belle médaille pour l'empereur Charles Quint, après qu'il eut pris l'électeur de Saxe et dissipé la ligue de Smalcald. Le corps était Jupiter qui foudroie les géants lorsqu'ils veulent escalader le ciel, avec ces mots, Discite justitia moniti. Car l'assemblage de ces figures et de cette inscription, assemblage, disposition des deux dispositifs, produit dans l'esprit une image sublime de cet événement. Mais ce n'est que dans l'esprit de ceux qui savent la fable, et qui savent pareillement que cette inscription est un demi-vers célèbre de Virgile, dont il supplée en même temps le reste. Donc il faut en plus comprendre que le vers de Virgile, donc apprenez par ses avertissements à pratiquer la justice, L'autre moitié, sous-entendu, et non sperne religios, hein, et ne pas mépriser les dieux. Donc, il faut suppléer d'abord le deuxième vers de Virgile, puis comprendre que le deuxième vers de Virgile s'applique à Charles Quint et qu'il compare Charles Quint, hein, donc ne pas mépriser les dieux, que les géants ne méprisent pas les dieux, comme les adversaires de Charles Quint ne méprisent pas Charles Quint, en faisant une analogie entre le corps du roi et le corps de Dieu. Donc ça, c'est, disons, la façon de Charpentier, qui, vous le voyez, hein, par la fin de la citation, oriente complètement le dispositif vers la connaissance des données symboliques préalables. Il faut connaître ces symboles, il faut connaître ces fables, il ne faut pas seulement connaître le latin, il faut vraiment connaître sur le bout des doigts quasiment les vers de Virgile les plus connus. Faire œuvre encyclopédique. Donc une tendance plutôt ésotérique, hein, réservée à certains initiés. Et voici donc une lettre de Boileau à Racine, une lettre perfide que Boileau envoie à Racine pour se moquer de Charpentier, ce qu'il fait assez souvent. Adieu, le type de Monsieur de la Chapelle sur Bruxelles. Il était pourtant imaginé fort heureusement et fort à propos. Mais à mon sens, les médailles prophétiques dépendent un peu du hasard. Ils ne sont pas toujours sûrs de réussir. Nous voilà revenus à Heidelberg. Je propose pour moi Heidelberg de l'État. Et nous verrons ce soir si on l'acceptera ou les deux vers latins que propose Monsieur Charpentier et qu'il trouve d'un goût merveilleux pour la médaille. Les voici. Servare potui, perdere si possim rogas. Or, comment cela vient à Heidelberg, c'est à vous de le deviner. Car ni moi, ni même, je crois, M. Charpentier n'en savons rien. L'idée que j'aimerais proposer, hein, c'est que, alors, sur ce vers, hein, cette citation latine, explique aussi peut-être la méthode de Charpentier. La citation latine, elle est extraite en réalité de Quintilien, qui lui-même l'extrait d'une tragédie perdue, donc ce sont vraiment des vers isolés de toute fable, des vers d'une Médée perdue, et qui sont en réalité retravaillés par Arnaud et Nicole dans la logique de Port-Royal, dans l'édition de 83. Donc en fait, ils récupèrent des exemples déjà faits, des exemples d'antimèmes, hein, de syllogismes avec un blanc au milieu. Ils récupèrent tout ça pour l'utiliser sur une médaille. Et ce que lui reproche Boileau, hein, c'est quel est le lien avec Heidelberg. Alors, le vers en lui-même, on le voit avec les deux points, on le voit avec la répétition de possé en polyptote, hein, potui, possim. On voit vraiment la figure, elle est vraiment saillante. Il y a la reprise, il y a les deux points, il y a la symétrie, il y a la parataxe. Traduction, je t'ai pu conserver, je te pourrais donc perdre. Traduction, hein, d'Arnaud et Nicole. Effectivement, appliqué à Heidelberg, poser la question, hein, est-ce qu'on peut reperdre une bataille, gagner, de perdre une ville, hein, au départ, bon, on sait que c'est des choses que l'Académie a eu à régler assez rapidement. Ça fait fortement penser à d'autres antimèmes célèbres qui ont été commentés, notamment chez Racine, hein, « Je t'aimais inconstant, tu sais, je fais fidèle hein, », qui est aussi utilisé par Arnaud et Nicole. Donc on a toujours, hein, cette même structure de l'antimème qui est utilisée comme figure énergique, hein, figure de vivacité, pour la médaille. Et pourtant, la critique de Boileau dit bien, je ne peux pas, c'est à vous à la deviner, comme si finalement c'était une sorte de devinette et non plus une médaille, une sentence sérieuse. En disant deviner, hein, on a l'impression que c'est une devise et que précisément, on se souvient que les devises sont réservées aux jetons et qu'il faut, hein, des phrases graves, certes simples, mais graves quand même, pour les médailles. Donc il y aurait ici une sorte de décalage entre la perception de Boileau et la perception de Charpentier, de ce que peut être vraiment le latin au service des médailles. On dirait ici que la figure pose un peu, hein, qu'elle est un petit peu trop évidente, proche de l'enflure, qui est précisément ce que Boileau condamne dans le sublime, une sorte de figure trop voyante. Chose qu'on reprochera aussi à Racine, par exemple. Alors, pour conclure, le rôle explicite du sublime, de la simplicité et de l'énergie dans l'élaboration des médailles est demeuré en filigrane dans les années qui précèdent l'élaboration du médaillé. Et pourtant, il est reconnu a posteriori comme central. Et ça, j'avais retrouvé ce texte. Alors, pardon, ça c'est la médaille de Charpentier, telle qu'il l'avait imaginée, l'éclair au milieu, la légende, donc ça c'est dans le manuscrit de Londres, celle qui a été réellement frappée, qui n'a plus rien à voir, avec Heidelberg de l'État, Boileau avait donc gagné. Sauf qu'en fait, ce qui était vraiment délétère, c'est la médaille elle-même, puisque Heidelberg, hein, Louis XIV a décidé de l'ôter du livre finalement. puisque le cercle du Palatinat a eu très mauvaise presse. Et donc, voici ce qu'on dit, donc 50 ans après. Voici ce que dit Jean-Pierre de Bougainville dans l'éloge de Gros de Boz en revenant sur la poétique de la médaille. Mais à la vue d'une médaille, on croit communément qu'on aurait pu la faire sans beaucoup d'efforts, cette simplicité trompeuse. C'est une erreur dont il est même assez rare de revenir, parce que rarement on est dans le cas de s'éprouver. Ce talent néanmoins suppose l'art de traduire une pensée par image, de parler à l'esprit, en donnant un corps à des idées, d'en renfermer souvent plusieurs dans une seule expression, de saisir le trait et le mot propre, d'accorder le type avec la légende, le dispositif, et l'un et l'autre avec le sujet de l'histoire. Si le type est symbolique, ce symbole, à la fois ingénieux et naturel, production d'esprit, production de la nature, doit, en parant l'histoire des couleurs de la fable, en la présentant sous le voile de l'allégorie, lui conserver sa majestueuse simplicité. Enfin, le style des médailles, toujours élégant et noble, s'élève quelquefois jusqu'au sublime. Pour réussir à la plus forte raison, pour exceller dans ce genre, il faut avoir une imagination vive et sage, un laconisme énergique et clair, une grande habitude de l'Antiquité. Alors, rapidement pour conclure, l'idée que, finalement, la conclusion que je proposerai, ce serait que Charpentier, finalement, considère le corps de l'histoire comme un objet qui appartient aux savants, qui appartient à un petit groupe de gens qui sont capables de comprendre le latin, de comprendre les faits historiques. Alors que Boileau, au contraire, pense le corps de l'histoire, dont s'occupe la petite académie, comme quelque chose qui appartient davantage au public et qui doit pour cela être ni tout à fait populaire, ni tout à fait sublime, travaillé, figuré. Donc c'est une sorte d'entre-deux, alors qu'il me semble que Charpentier, étrangement, qu'on considère comme un moderne, fait ici complètement partie des anciens, et Boileau, considéré comme un ancien, finalement a l'air beaucoup plus tourné vers un public moderne. Je vous remercie.